franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, les nouveaux philosophes, l'une des controverses intellectuelles les plus vives en France ces dernières décennies. Depuis plusieurs années, de Michel Onfray à Éric Zemmour, en passant par Alain Finkielkraut ou Michel Houellebecq, qu'il soit professeur, éditorialiste ou écrivain, la figure de l'intellectuel médiatique s'est imposée par ses interventions télévisées. Elle rythme le débat d'idées au sein de la société française. Ces derniers temps, les thèmes estampillés perte d'identité, déclin de la culture, suicide de la nation attestent d'une droitisation des discours. En forçant un peu le trait, on pourrait dater la naissance de l'intellectuel médiatique au 27 mai 1977. Ce soir-là, sur le plateau de l'émission Apostrophe, les Français découvrent les nouveaux philosophes. Cette expression désigne un groupe d'intellectuels au profil et au parcours différents, mais qui se retrouvent sur un point, en finir avec la pensée marxiste qui, selon eux, domine la scène intellectuelle française de l'époque et mener un nouveau combat, celui de l'antitotalitarisme. Si la querelle des anciens et des modernes se déroule sur les bancs de l'Académie française, la naissance des nouveaux philosophes se fait à la télévision avec à sa tête un tout jeune chef de file, Bernard-Henri Lévy. Alors, pourquoi cette aventure intellectuelle fut-elle dénoncée comme un coup médiatique? En quoi a-t-elle changé le paysage intellectuel et politique français? Comment a-t-elle consacré la télévision comme principale tribune de l'intellectuel contemporain? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, en seconde partie d'émission, nous recevrons Aude Lancelin, journaliste spécialisée dans les domaines de la culture et des idées. Elle vient de publier le livre intitulé « Le Monde Libre » aux éditions « Les Liens qui Libèrent ». Ce livre a reçu le prix Renaudot de l'essai à la rentrée. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production, Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Patrick Henry. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. « 27 mai 1977. Comme tous les vendredis soirs, à 21h30 sur Antenne 2, les Français ont rendez-vous avec l'émission culturelle phare de l'époque, Apostrophe. En 2 ans et demi, son présentateur, Bernard Pivot, son décor de salon avec sa table basse et ses fauteuils, son ambiance brumeuse de cigarettes et sa liberté de ton, ont fait d'Apostrophe le show à ne pas manquer. Chaque semaine, ils sont plusieurs millions de téléspectateurs à se réunir pour assister au débat littéraire ou intellectuel. La culture s'est fait une place de choix sur le petit écran. D'empoignade en coup d'éclat, les joutes oratoires d'Apostrophe se gravent dans la mémoire collective. Ce soir du 27 mai 1977, à 21h30, Bernard Pivot annonce le programme. Bonsoir à tous. Il y aurait donc, entre guillemets, de nouveaux philosophes, une nouvelle philosophie. Est-ce l'effervescence parisienne de quelques esprits doués, ou bien un véritable mouvement philosophique structuré, profond, durable? Est-ce un coup de poker, un coup de marketing intellectuel, ou bien une sorte de révolution culturelle spontanée? Est-ce de la poudre aux yeux, ou bien une approche intelligente, originale, de la vérité? Et puis, ces nouveaux philosophes sont-ils de gauche, ou bien sont-ils des philosophes de droite? Réponse, enfin tentative de réponse à ces questions au cours de ce 103e numéro d'Apostrophe. Il sera donc question de philosophie et de politique. Bernard Pivot présente ensuite le casting. Et la surprise, en lieu et place de l'image habituelle du philosophe, genre épaisse lunette à la Sartre, col roulé à la Foucault, veste en velours côtelé style Raymond Aron, les invités ont à peine 30 ans, les cheveux longs et le style de la jeunesse de l'époque. Seul Maurice Clavel, assis aux côtés de Bernard Pivot, correspond à l'image d'Épinal de l'intellectuel ordinaire. Celui qui se définit lui-même comme journaliste transcendantal est un habitué du petit écran. Il s'est notamment rendu célèbre pour son départ fracassant en pleine émission quelques années auparavant d'un cinglant « Messieurs les censeurs, bonsoir ». Il est présenté comme le parrain des nouveaux philosophes. Normalien et agrégé, le parcours de Maurice Clavel est pour le moins sinueux, passé de l'extrême droite à la résistance, puis du gaullisme au gauchisme. mais Clavel est une figure connue des Français. Ce qui est moins le cas des deux personnes situées à sa gauche, Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann, présentés comme les nouveaux philosophes. Le premier porte le visage de ses 29 ans, les traits apolliniens et une chemise blanche largement ouverte. Déjà, Bernard-Henri Lévy affirme son style. Brillant normalien et agrégé, il s'est très tôt détourné de la carrière d'enseignant-chercheur pour se consacrer à l'édition. Il est d'ailleurs présenté comme l'éditeur et chef de file des nouveaux philosophes. Ce soir, il vient aussi défendre son premier ouvrage intitulé « La barbarie à visage humain ». À ses côtés, André Glucksmann, de 10 ans son aîné, lui aussi normalien et agrégé, affiche un style, disons, plus décontracté. Jean, basket. Ancien membre de l'Union des étudiants communistes, il s'est fait connaître avec un ouvrage publié 2 ans auparavant, en 1975, qui a fait grand bruit, « La cuisinière et le mangeur d'hommes », dans lequel il établit un lien entre le communisme et le nazisme. Aujourd'hui, il promeut un nouvel essai, « Les maîtres penseurs », publié chez Grasset, la maison d'édition pour laquelle travaille Bernard-Henri Lévy. En face d'eux, deux jeunes professeurs de philosophie, Xavier Delcourt et François Aubral, moins connus du milieu de l'édition ou des revues spécialisées, et qui viennent de publier un essai à quatre mains intitulé « Contre la nouvelle philosophie ». Réponse contradictoire aux thèses de Maurice Clavel et bien sûr aux auteurs publiés par Bernard-Henri Lévy. Alors là, écoutez, je vous ai présenté et je pourrais à ce moment-là lire une ligne de cet ouvrage et mettre immédiatement le feu aux poudres. Mais non, je ne veux pas le faire parce que nous devons d'abord la clarté, nous devons d'abord de l'information aux téléspectateurs. Je crois que nous devons, dans une première partie, vous devez nous expliquer ce qu'est la nouvelle philosophie, et je demanderai pendant cette première partie que vous n'interrompiez pas les auteurs qui sont questionnés. Et puis dans une deuxième partie, alors il y aura un débat autour de cette nouvelle philosophie, et comme disent les capitaines au plus gros de la tempête, eh bien, j'espère que Dieu sera avec nous. Nous y sommes. Tout ce qui fait la réputation de cette émission et le talent de son maître de cérémonie, Bernard Pivot, autrement dit, réussir à mettre en scène la polémique, le débat d'idées, et y glisser le parfum du scandale pour capter l'attention du spectateur, tout est là. Bien. Mais pour comprendre pourquoi les nouveaux philosophes sont à la une ce soir, il faut revenir quelques mois en arrière. Au printemps 1976, l'hebdomadaire Les Nouvelles Littéraires, journal dirigé par Philippe Tesson, confie à Bernard-Henri Lévy un numéro spécial sur les grandes tendances de la philosophie actuelle. Bernard-Henri Lévy, directeur de la collection Figures chez Grasset, et qui se remet tout juste de l'échec cuisant de son quotidien culturel L'Imprévu, décide de mettre en avant une jeune génération de philosophes. Parmi eux, deux anciens maoïstes proches de la gauche prolétarienne, un temps rédacteur à la cause du peuple, Christian Jambet et Guy Lardreau. Quelques mois auparavant, ces deux philosophes ont écrit un essai intitulé « L'ange » où ils font le deuil de leur jeunesse 68arde. Dans cette lettre d'adieu aux années militantes et aux idéaux révolutionnaires, ils proposent d'en finir avec le marxisme, ce courant de pensée qui innerve depuis des années les sciences humaines et la philosophie française. L'ouvrage a un certain écho dans le milieu intellectuel. Plusieurs philosophes se retrouvent dans les thèses avancées par Christian Jambet et Guy Lardreau. Quelques mois après, le numéro des Nouvelles Littéraires de Bernard-Henri Lévy se construit autour d'une série d'entretiens croisés entre deux générations de philosophes. Christian Jambet et Guy Lardreau, mais aussi Jean-Paul Delay, Jean-Marie Benoît ou Michel Guérin. Ils sont interviewés par leurs aînés, Roland Barthes, François Châtelet, Claude Lévi-Strauss, Michel Serres. Le coup est bien pensé. Le parrainage de ces glorieux penseurs assure une légitimité à la jeune garde. La revue paraît le 10 juin 1976. Elle s'intitule « Les nouveaux philosophes » et elle s'ouvre sur un texte de Bernard-Henri Lévy signé de l'acronyme BHL. Ce dernier désamorce d'emblée l'expression « nouveaux philosophes » car il ne s'agit pas d'un mouvement uni. Pour autant, certains traits communs réunissent ces jeunes philosophes entre eux. Sur le plateau d'apostrophe, il explique lesquels. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens que vous avez publiés, pour la plupart, sont rassemblés, ont une sorte de démarche commune? Je crois qu'il y a plusieurs raisons, si vous voulez. Bon, qu'il y ait des parentés entre tel ou tel, entre Lardreau et Jambet, par exemple, et moi-même ou quelques autres, bon, il y a bien entendu des raisons à ça. Il y a d'abord des raisons de génération. Il y a des raisons de génération, c'est le fait qu'on est tous à peu près venus à la politique, aux idées au même moment, c'est-à-dire en mai 68. Et puis il y a quelques raisons de fond, effectivement, bon, très minces. Tous les gens qu'on baptise aujourd'hui nouveaux philosophes sont des gens qui sont anti-marxistes. Bon, ça c'est évidemment le point de départ, ça c'est vrai. Bon, donc il y a effectivement des thèmes communs. De là à en faire une école, à en faire une chapelle, etc., comme on voudrait le faire croire aujourd'hui, alors ça je crois qu'il y a un pas que, en tout cas pour ma part, je n'ai jamais franchi. L'expression « les nouveaux philosophes » fait immédiatement penser à celle du nouveau roman en littérature ou de la nouvelle vague au cinéma, toutes deux lancées dans les années 50. Mais les commentateurs avisés savent pertinemment que ce genre d'appellation tient surtout du slogan. Que ce soit pour le nouveau roman ou la nouvelle vague, ces mouvements ont réuni des auteurs ou réalisateurs très différents, qui se sont d'ailleurs rapidement défendus d'y appartenir. Cependant, ces labels permettent aussi de pointer des ruptures entre des générations d'artistes ou d'intellectuels. Pour Bernard-Henri Lévy, c'est l'idée justement. Il s'agit de marquer l'émergence d'une nouvelle génération de philosophes qui rompt avec ses aînés. Une génération qui est hantée par deux spectres, mai 1968 et le marxisme. Le numéro de Nouvelles littéraires du 10 juin 1976 connaît un certain succès. Le Nouvel Observateur y consacre plusieurs articles. Libération inclut les nouveaux philosophes dans son dictionnaire des expressions de l'année. Le parcours de ces auteurs, la plupart agrégés, souvent normaliens, tous universitaires, le patronage des grands noms et surtout la position de rupture avec la vieille garde marxiste leur donne une certaine visibilité. En décembre 1976, quelques mois après l'apparition du numéro, Jacques Pogam, producteur de l'émission Parti pris sur France Culture, organise une série d'entretiens avec les principales figures du mouvement. Il intitule le programme « Génération perdue » et publie un livre du même nom dans la foulée. Signe que l'appellation d'origine non contrôlée « Nouveau philosophe » séduit. Lors de sa première prise de parole sur le plateau d'Apostrophe, Maurice Clavel, présenté comme le parrain du mouvement, rappelle l'origine de cette rencontre entre nouveaux philosophes. Ce livre est né d'un souci très actuel. Bon, d'abord, si vous voulez, de mai 68, justement à cause de la contestation, puis de mon militantisme avec mes camarades maoïstes de la cause du peuple en 71, 72, 73, vous savez, avant que je ne devinsse un homme de droite. Et là-dessus, nous nous sommes retrouvés l'an dernier et nous étions devenus amis. On voulait savoir où on a été. On était quand même très divisés, très séparés. Nous n'étions pas une école ni une chapelle. Nous ne le sommes pas encore. Et pourtant, au nom même de cette amitié révolutionnaire, nous cherchions quelque chose qui nous fût commun. Le contexte est essentiel à la compréhension des nouveaux philosophes. Car au milieu des années 70, deux bouleversements agitent le monde intellectuel français. En 1973, la gauche prolétarienne, issue de l'après-mai 68, se dissout. Une décision symbolique, elle marque la fin des illusions révolutionnaires pour une partie de la génération de l'après-mai 68. Et puis en 1974, intervient un autre événement. La publication en français de l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn et la révélation au grand public des crimes de l'URSS stalinienne. Ce n'est pas le premier témoignage des camps staliniens, ni le premier écrivain dissident du régime, certes, mais l'impact de l'œuvre est tel que s'opère un choc considérable. Pour les nouveaux philosophes, c'est une rupture même, le révélateur de la complaisance d'une partie de l'intelligentsia française, alors dominée par le marxisme, à l'égard de l'URSS. Chez un homme en particulier, l'œuvre fait l'effet d'un coup de poing, André Glucksmann. En 1975, il publie La cuisinière et le mangeur d'hommes, dans lequel il explique que c'est en Occident que se trouve l'origine des totalitarismes. Pour lui, ce sont les marxistes occidentaux et l'État qui sont les premiers complices du goulag. Dans ce nouvel essai, qu'il présente ce soir de mai 1977 à Apostrophe, intitulé « Les maîtres penseurs », il prolonge sa réflexion et met en cause, dans cette barbarie occidentale contemporaine, la responsabilité de certains philosophes, notamment Hegel et Marx. Le livre est à nouveau remarqué, Michel Foucault lui consacre un article favorable dans le Nouvel Observateur. Sur le plateau, André Glucksmann explique sa thèse. Les convictions marxistes ont joué un grand rôle dans notre aveuglement, et dans notre surdité, un livre que j'avais fait auparavant, La cuisinière. La cuisinière et le mangeur d'hommes, où j'interrogeais la capacité qu'avait eu le marxisme de faire avaler un certain nombre de choses, et quand ces choses s'appellent 40 millions de déportés morts dans les camps sibériens, ces choses sont assez grosses. Ces choses, on les a avalées. Quand je dis on, je dis les Russes qui ont admis sincèrement qu'une bonne partie des révolutionnaires et encore une plus grande partie du peuple russe finissent dans des camps de concentration. Et quand je dis « on », je dis aussi beaucoup, beaucoup de gens en Europe occidentale. Il y a bien sûr les partis communistes, mais il y a une bonne partie des intellectuels. deux livres d'André Glucksmann ont un retentissement énorme dans le milieu philosophique. L'ancien jeune gauchiste qui exaltait mai 68 et dénonçait le fascisme pompidolien, qui avait le soutien de Louis Althusser, célèbre professeur de l'école normale supérieure, pape du structuralisme et du marxisme critique en France, l'ancien jeune gauchiste tourne le dos à ses idéaux de jeunesse. De son côté, après avoir édité et réuni ses différents philosophes, Bernard-Henri Lévy se devait d'apporter sa pierre à l'édifice. Dans son premier livre de philosophie, La barbarie à visage humain, il salue en Solzhenitsyn le Dante de notre temps. Et il développe un style singulier où le jeu s'affirme dans une sorte de lyrisme philosophique qui surprend. L'incipit de La barbarie à visage humain illustre pleinement le ton béhélien. « Je suis l'enfant naturel d'un couple diabolique », écrit-il, « le fascisme et le stalinisme ». Pour le reste, il rejoint les positions antimarxistes de Glucksmann ou des auteurs qu'il édite avec, toutefois, un pessimisme plus prononcé, comme il l'explique sur le plateau d'Apostrophe. J'ai essayé de montrer, c'est ça un peu le, centre, le sens du titre du livre, comment aujourd'hui le devenir prévisible des sociétés où nous vivons, c'est un devenir barbare. J'ai essayé de montrer comment au XXe siècle, par exemple, la seule révolution réussie, la seule révolution authentique que nous connaissions, c'est la révolution totalitaire. Comment le phénomène important de ce XXe siècle, le seul phénomène qui historiquement est effectivement réussi et bouleversé l'ordre du monde et dérangé l'ordre de l'univers, c'est la révolution fasciste, c'est l'horreur hitlérienne, c'est l'horreur stalinienne et c'est tous ces succès d'années. Alors ça c'est, je crois, le point de départ du livre. Hein, j'ai essayé de montrer comment les révolutionnaires, les progressistes, les socialistes en général ont toujours été obsédés par l'idée qu'avant avant le malheur, avant la fatalité, il y avait une espèce de rosée comme ça matinale qu'on pouvait faire advenir, qu'on pouvait faire arriver avec au forceps de la révolution, au forceps de la libération. Donc j'ai essayé de montrer en réalité comment cette idée d'un bon état de nature, cette idée d'une nature en général est une fausse idée, que c'est un leurre. Bon, c'est un leurre qui effectivement fait vivre et c'est un leurre qui parfois aussi, et c'est l'autre thèse du livre, peut également faire mourir. À la sortie du livre, quelques semaines avant l'émission, les réactions de la presse sont dithyrambiques. Le 13 mai, en une du Monde des Livres, Philippe Solers célèbre ce qu'il appelle le premier grand style romantique depuis 1968. Le Figaro, Le Point, France Soir, le magazine littéraire, tous saluent la barbarie à visage humain et le talent de son auteur. La veille de l'émission Apostrophe, Roland Barthes lui apporte également son soutien dans un article élogieux pour les nouvelles littéraires. Pour que la réussite soit totale, il ne manque plus qu'à la barbarie à visage humain et à Bernard-Henri Lévy un écho plus large, une vraie polémique. Ça tombe bien, puisque face à l'offensive médiatique des nouveaux philosophes, orchestrée depuis quelques mois, deux jeunes professeurs d'université, Xavier Delcourt et François Aubral, viennent porter le fer et se lancent dans la critique du mouvement. Dans leur livre, intitulé « Contre la nouvelle philosophie », comme ça c'est clair, ils s'attaquent aux travaux de ces supposés nouveaux philosophes. La polémique est née et l'affrontement se fera en direct, à la télé, devant des millions de téléspectateurs. La scène intellectuelle devient scène médiatique. Vous marchez, Juliette, au bord de l'eau. Quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. De 68. Vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un pagué de l'autre côté du miroir d'un café. Bon, alors François Aubral et Xavier Delcourt, j'ai l'impression que c'est vous les inventeurs de nouvelle philosophie. D'abord parce pas que du votre. Tout, pas du tout. Pas du tout. Dossier réalisé par Bernard-Henri Lévy, les nouveaux philosophes, c'est lui qui a lancé la marque, ça marche. Très bien. Bon, alors, voilà, j'ai trouvé la phrase, moi, qui résume assez bien votre livre, le ton. Ce livre est né du sentiment de dégoût que nous inspire cette mascarade de professionnels de la philosophie qui se vautre dans la mare aux balivernes avec les mystificateurs. Donc, il n'y avait pas de main morte pour vous, vous êtes tout à fait contre, et vous écrivez un pamphlet où vous manifestez votre dégoût. Dans leur livre, Xavier Delcourt et François Aubral pointent trois critiques principales à l'encontre des nouveaux philosophes. D'emblée, ils excluent André Glucksmann de leurs attaques. Pour eux, comme pour lui d'ailleurs, il n'appartient pas au courant des nouveaux philosophes. C'est autour de ces trois thèmes que le débat commence vraiment sur le plateau de l'émission. Ils dénoncent d'abord le vide, à leurs yeux, de la philosophie produite. Par leur rejet constant de la pensée critique et de la politique, les nouveaux philosophes engageraient une vision pessimiste du monde et grossière de l'histoire, à coup de grands concepts distinctifs du genre le bien, le mal, ou de mots valises comme le goulag ou le totalitarisme. François Aubral explique le risque à fonctionner de la sorte. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai repéré dans la nouvelle philosophie une utilisation absolument magique et sordide du mot « goulag », dans la mesure où on sort le mot « goulag » et ça a pour fonction d'occulter la réalité des déportés sur lequel, vous permettez, sur lequel vous ne parlez pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'au nom du goulag, vous assénez vos idées, qui valent ce qu'elles valent. Par exemple, quand vous avez envie de dire que la science c'est la Gestapo, eh bien c'est au nom du goulag que vous le dites. Moi je trouve que c'est absolument ignoble trois fois au nom de la mémoire des déportés. Et deuxième argument quand même important sur le goulag, c'est que quand on a une théorie du pouvoir comme celle des nouveaux philosophes, c'est-à-dire que tout est pouvoir et tout est pourri et que la politique c'est fini et que tout est foutu et qu'on est pessimiste, eh bien à partir de ce moment-là, il est absolument certain qu'on est du côté du pouvoir et qu'on ne risque pas le goulag. Or, moi, le goulag, ce qu'il m'a appris, c'est qu'il était possible de résister. Je l'ai lu dans Glucksmann. Pas forcément visé par l'attaque, André Glucksmann décide quand même de réagir. Je dis qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les intellectuels, c'est de penser ce qui s'est passé dans ce siècle. Il y a quand même eu assez de massacres. Il y a eu des goulags, et il faut en parler. Et c'est terrorisant, les goulags. Absolument. Et les goulags, ils sont venus d'Occident, ils sont venus d'Europe. Mais il n'y a rien de ça dans les nous. Alors, il faut savoir, il se trouve que tout à coup, en France, à l'heure actuelle, tout le monde se retrouve marxiste. Hein? Ça pose un sacré problème. Toutes les élites politiques de gauche refusent qu'on parle de la Russie, refusent qu'on parle des goulags qui se trouvent en Chine ou n'importe au Cambodge. Ils le refusent. Et là, il y a un mur. Et vous croyez que maintenant, les cadavres des Cambodgiens, quand ils sont tués à coups de mitraillette au lieu d'être tués à coups de napalm, c'est pas terrifiant? Et des intellectuels polonais qui sont en prison, est-ce qu'on en parle? Absolument. C'est ça le problème. Absolument d'accord. Et des intellectuels, actuellement, les intellectuels, en Russie, aux États-Unis, en Chine, sont des dissidents. Ils sont contre les pouvoirs. Ils disent qu'il s'agit d'être du côté des opprimés, contre les États oppresseurs. L'intervention d'André Glucksmann expose la fonction du nouveau philosophe. Il n'est plus l'intellectuel engagé et universel comme Jean-Paul Sartre. Encore moins l'intellectuel spécifique cher à Michel Foucault qui s'engage sur une cause précise, un champ d'action délimité comme les prisons pour ce dernier, ou la psychiatrie pour Deleuze. Non, le nouveau philosophe est un témoin vigilant de l'actualité dramatique. Par la dénonciation, il se doit d'éclairer les crimes du monde moderne. L'intervention d'André Glucksmann soulève aussi la deuxième attaque de Delcourt et Aubral, l'arrière-plan politique du mouvement des nouveaux philosophes. Ce n'est pas par hasard que le titre de l'émission se place sous la question suivante « Les nouveaux philosophes sont-ils de droite ou de gauche ?» Et pour cause, selon Aubral et Delcourt, le côté repenti de ces ex-gauchistes, leur rejet des idéologies et notamment du marxisme, fait le lit de la droite et notamment d'une nouvelle droite intellectuelle. Alors même qu'ils se revendiquent plus ou moins de gauche, les nouveaux philosophes feraient en réalité le jeu de la droite. D'autant plus dans un contexte où la gauche française, le Parti socialiste et le Parti communiste en tête, sont réunis sous l'égide du programme commun depuis 1972. Or, même s'ils viennent de remporter d'importantes victoires électorales aux municipales de 77, les dissensions entre les deux grands partis sont de plus en plus fortes. Il y aurait donc une rupture à gauche, une cassure entre deux voies contraires, l'une politique et l'autre idéologique. Glucksmann explique sa position. Mais en général, quand il y a un grand mouvement de gauche en France, ben, vous avez des tribunes, où vous avez les chefs politiques d'un côté, et puis des grandes têtes intellectuelles de l'autre. Or, actuellement, il n'y a rien. Rien, rien. Les tribunes du programme commun, elles sont vides. Il n'y a personne. Hein. Alors, pour cacher ce personne, à savoir que les intellectuels, en général, ne veulent plus jouer ce rôle de potiche des hommes politiques, pour cacher ce personne, on dit « c'est la faute aux nouveaux philosophes ». Enfin, Aubral et Delcourt dénoncent, notamment à l'encontre de Bernard-Henri Lévy, ce qu'ils appellent la pub-philosophie, c'est-à-dire la démarche même de ce courant autoproclamé nouveau philosophe qui monopolise les médias. Le risque est grand, selon eux, à braquer les projecteurs sur ce courant, car tout un pan de la recherche philosophique s'en trouve rejeté dans l'ombre. Le nouveau philosophe imposerait donc un mode de discours autant qu'un discours à la mode. Et on a encore une minute pour vous dire le sens profond de notre intervention, c'est que nous avons le sentiment que la philosophie est bien vivante et qu'elle se passe ailleurs. Et alors là, je vous apporte, puisqu'on n'a pas encore parlé de l'aspect publicitaire, je vous apporte Playboy, qui est une revue que vous connaissez, dans laquelle il faut lire des propos extraordinaires sur la nouvelle philosophie, puisque la nouvelle philosophie fonctionne dans Playboy. Je vis dans un espace clos, extrêmement limité, un minuscule village à l'intérieur du village de Saint-Germain-des-Prés. Eh bien, là, c'est pas là que se passe la théorie, c'est pas là que se passe la philosophie. La philosophie, elle se passe ailleurs, dans les revues, dans les collectifs, et sans vedettariat, sans avoir besoin de Playboy. C'est ce qu'on appelle la pub philosophie. Dans votre voix. Bravo, bravo Bernard-Henri Lévy, vous êtes un génie de la publicité. Que je crois, et c'est effectivement, un instant, et que je suis ravi, effectivement, le seul objectif que je peux avoir lorsqu'il m'arrive de parrainer d'une certaine manière ou de publier moi-même des livres, c'est que ces livres soient diffusés au maximum de lecteurs, qu'ils concernent le maximum de gens, et si c'est ça la publicité, alors effectivement, je suis pour la publicité. Après une heure d'émission, Bernard Pivot annonce la fin. Le lendemain, chez lui, il entendra sa fille lui dire « Hier soir, j'ai vu Rimbaud à la télé. Ah bon ?» Oui. Oui, elle parlait de Bernard-Henri Lévy. Le jeune éditeur s'est imposé comme intellectuel sur la scène de la grande émission culturelle du service public. Les nouveaux philosophes et leurs leaders sont à présent lancés. Le 17 juin 1977, un mois après l'émission, Paris Match consacre une double page à Bernard-Henri Lévy avec ce sous-titre « Le fondateur des nouveaux philosophes ». Le 5 septembre 1977, ces derniers font la une de l'hebdomadaire américain Time avec un titre sans appel « Marx is dead ».« Marx est mort », déclarent les nouveaux philosophes français. Puis c'est au tour du Spiegel allemand, de l'Observer anglais, de consacrer des dossiers spéciaux et des articles à la jeune garde intellectuelle française. Les télévisions étrangères tournent des films sur eux. La chaîne mexicaine Televisa invite Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann et d'autres représentants du mouvement à parcourir le pays pendant 15 jours pour une série de conférences. Il transforme aussi l'essai en librairie. Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann battent des records de vente. La barbarie à visage humain s'écoulera à plus de 100 000 exemplaires. Un must pour ce genre de livre. Il faut dire que ces nouveaux philosophes bénéficient d'un moment charnière dans l'histoire de l'édition française. Sous l'impulsion du groupe Hachette, qui détient Grasset, de nouvelles méthodes de promotion des livres sont mises en place. C'est à ce moment qu'émerge la catégorie « Essai pour les sciences humaines », à la croisée du livre universitaire et du livre de vulgarisation, avec une forme plus courte et un style plus accessible, directement lié à l'actualité. Les nouveaux philosophes bénéficient pleinement de cette mutation. Face à ce succès, certains universitaires se décident de réagir, au premier rang desquels Gilles Deleuze. Le célèbre professeur, directement visé dans l'ouvrage de Bernard-Henri Lévy, prend la plume et répond à une interview pour le supplément de la revue bimestrielle Minuit, publié le 5 juin 1977. En voici un extrait. Leur pensée est nulle. Je vois deux raisons possibles à cette nullité. D'abord, ils procèdent par gros concepts, aussi gros que des dents creuses. La loi, le pouvoir, le maître, le monde, la rébellion, la foi, etc. Ils peuvent ainsi faire des mélanges grotesques, des dualismes sommaires. La loi est le rebelle, le pouvoir est l'ange. En même temps, plus le contenu de la pensée est faible, plus le penseur prend de l'importance, plus le sujet d'énonciation prend de l'importance par rapport aux énoncés vides. Ce qui me dégoûte est très simple. Les nouveaux philosophes font une martyrologie. Le goulag et les victimes de l'histoire. Ils vivent de cadavres. Ils ont une nouveauté réelle, ils ont introduit en France le marketing littéraire ou philosophique au lieu de faire une école. Lévy, c'est tantôt l'impresario, tantôt la script girl, tantôt le joyeux animateur, tantôt le disque jockey. Dans ce texte, Gilles Deleuze s'en prend violemment au rôle des médias, que ce soit la presse ou la télévision. Il dénonce l'émergence d'une pensée interview, d'une pensée entretien, ou l'article de journal que l'on rédige vaut plus que le livre que l'on écrit. Ce sont évidemment les nouveaux philosophes qu'il vise. La prise de position de Gilles Deleuze est la première entrée dans la bataille du milieu universitaire. D'autres chercheurs ou philosophes lui emboîtent le pas. C'est le cas de Cornelius Castoriadis, notamment. Dans sa revue « Socialisme et barbarie », l'économiste et philosophe grec met en avant, depuis plusieurs années déjà, une profonde critique du totalitarisme, de la gauche communiste et des camps staliniens. Il s'étonne alors de la découverte subite d'André Glucksmann et de Bernard-Henri Lévy face à l'horreur des goulags. Surtout, il dénonce la mise en scène de cette révélation. D'autres philosophes rejoignent la bataille et prennent position contre les nouveaux, comme Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Marcel Gauchet ou Raymond Aron. Des intellectuels de tous bords, que d'ordinaire tout oppose, se rassemblent face à l'entreprise des nouveaux philosophes. Unanimement, ils dénoncent l'imposture à laquelle ils assistent. Face à cette levée de bouclier, Bernard-Henri Lévy ne se démonte pas, il persiste et signe. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas à la fois réussir une opération de marketing, comme ils le disent, moi j'emploie jamais ces termes-là, et en même temps réussir à penser, à oser penser. Et pour moi, disjoindre ces deux choses-là, dire que d'un côté il y a le marketing, que d'un autre côté il y a l'édition, que d'un côté il y a la pensée, que d'un autre côté il y a de l'audience, je dis que ce type de démarche est une démarche méprisable. Elle témoigne premièrement d'un mépris invraisemblable de ce qu'on appelle les médias, comme si le simple fait de passer dans les médias, à la télévision ou dans les journaux était une infamie, et comme si le fait même du média suffisait à contaminer le penseur qui y passe. Et ça témoigne d'un colossal mépris à l'égard de l'opinion, comme si l'opinion n'était capable d'apprécier la philosophie que dans la clandestinité, etc. Et comme si une philosophie accédant à une large diffusion devenait automatiquement une mauvaise philosophie. En revanche, des gens semblent s'aviser du fait qu'il existe sinon une école, sinon des écoles, du moins des affinités de pensée, que des gens qui ont entre eux des affinités de pensée éprouvent le besoin, la nécessité ou le désir de parler un petit peu les uns les autres, ils découvrent ça brusquement. D'abord c'est pas nouveau, et ensuite c'est pas infamant. Avec le temps, les différents intellectuels réunis sous le nom des nouveaux philosophes comme Christian Jambé et Guillardreau se sont éloignés pour s'orienter vers d'autres thèmes de réflexion. Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann, eux, ont poursuivi dans cette voie ouverte un soir de mai 1977 chez Bernard Pivot, celle d'un statut de philosophe et d'intellectuel en prise avec les soubresauts du monde, acteur de l'actualité, témoin vigilant face aux maux de l'histoire, jusqu'à devenir une sorte de supra-journaliste ou d'hyper-commentateur. Au final, les nouveaux philosophes incarnent autant une nouvelle génération de penseurs qu'une nouvelle manière de pratiquer la philosophie, car derrière ce faux mouvement, il y a une vraie rupture. Got no baby, baby. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les nouveaux philosophes, et notre invité, c'est Aude Lancelin. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste et que votre terrain de jeu favori, c'est la culture et les idées, même si certaines de vos fonctions vous ont amené à vous intéresser aussi à la politique et j'imagine même au sport quand on est directrice adjointe. Vous avez été de l'Obs, c'est ça? Directrice adjointe de l'Obs. Voilà, on s'intéresse à tout. Mais enfin, c'est vrai que vous êtes spécialisée dans la culture et les idées, que vous avez publié ce livre que j'ai entre les mains qui s'appelle Le Monde Libre aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et livre qui vous a valu le prix Renaudot de l'essai, donc bravo déjà. Merci. Alors, vous avez entendu la dernière phrase du récit où je disais « faux mouvement, vraie rupture ». Est-ce que vous rejoignez cette conclusion ou est-ce que c'est un vrai mouvement ou une fausse rupture? C'est quoi pour vous les nouveaux philosophes dans l'histoire littéraire française contemporaine? Je dirais les deux, faux mouvement et vraie rupture. Faux mouvement parce qu'il s'agit d'une coalition tout à fait hétéroclite intellectuellement, dont on pourra discuter tout à l'heure de ce qui les rapproche vraiment, mm-hmm. et qui est en fait l'appartenance ancienne au maoïsme et le rejet radical sur cette base-là de la révolution, de toute révolution possible à venir. Et puis, vraie rupture quand même dans la figure de l'intellectuel en France, vraie rupture dans les méthodes de médiatisation des idées. Et à cet égard, je reprendrai la dernière phrase du texte très fort de Gilles Deleuze, oui. Texte que vous citiez tout à l'heure dans le reportage. Ils auront réussi quelque chose s'ils tiennent assez longtemps pour mortifier le domaine de la pensée en France. D'une certaine façon, au niveau des médias, on peut dire mission accomplie. 30 ans plus tard, vous dites mission accomplie. Mission accomplie, parce que, évidemment, il faut faire une grande distinction entre espace public et espace médiatique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'espace public, et donc qui inclut l'espace universitaire, il y a toujours de grands intellectuels en France, contrairement à ce qu'on entend répéter un peu partout et qui est absurde. Mais contrairement à ce qu'on dit, même si ces grands intellectuels existent à l'université, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, ils se sont fait dévorer par toutes sortes de monstres, certes gonflés par et qui n'ont pas d'existence à l'étranger, qui n'ont pas d'existence conceptuelle, mais qui malheureusement mobilisent l'attention des gens et qui mobilisent les ventes en librairie et tous les inconvénients qu'on c'est connaît. Qui ces monstres? C'est qui? Alain Finkielkraut, qui n'est pas un nouveau philosophe, hein, pas plus que il le tient à le répéter d'ailleurs à chaque intervention à ce sujet. D'une certaine façon, on essaie aujourd'hui, les médias essaient d'en faire la figure même de l'intellectuel, du grand intellectuel de droite, et sans idéologie, simplement d'un point de vue technique, du point de vue de la fonction critique, on ne peut pas dire ça. Il ne s'agit pas d'un philosophe à proprement parler, il ne s'agit pas d'un grand intellectuel de droite. Si l'on prend les critères, par exemple, qui étaient ceux de Cornelius Castoriadis, autre grand nom que vous citiez à juste titre tout à l'heure. Lui, si vous voulez, ce qu'il a indigné dans cette affaire des nouveaux philosophes, c'est qu'il considère que l'espace de la critique, la fonction critique a été dégradée dans cette affaire. C'est-à-dire que on était censé expliquer aux gens véritablement, ne pas truquer les instruments de mesure, si vous voulez, et dire aux gens qui pesait quoi, etc. Et il considère qu'à travers cette affaire des nouveaux philosophes, c'est ça qui a été très gravement entamé. Et d'une certaine façon, ces nouveaux pseudo grands noms de l'intellectualité qu'on nous vend aujourd'hui dans les médias sont le produit de cette opération. Vous parlez d'une opération comme quelque chose de prémédité? Oui, c'est sans doute excessif. Enfin, il faut pas avoir une volonté agissante derrière extrêmement concertées. Les choses, il y a eu un moment historique et puis les choses se sont précipitées, se sont cristallisées de cette façon. Mais enfin, il est bien clair néanmoins que dans l'esprit d'un André Glucksmann ou d'un Bernard-Henri Lévy, il y avait la volonté décidée d'en finir avec le marxisme, de le démonétiser. Ça, c'était totalement conscient. Chez un Maurice Clavel, lui aussi ancien Mao, c'était absolument clair. Et donc, même si, comme certains dingues ont pu lui en faire leur proche à l'époque, André Gluskenang n'est pas un agent de la CIA, il ne l'a jamais été, il racontait ça dans un livre de mémoire, c'est drôle, il n'empêche que, et on le voit à travers la réaction de la presse anglo-saxonne à l'époque, ça a été, dans le monde anglo-saxon, un véritable soupir de soulagement. Ça y est, l'exception française est achevée. On en a fini avec Mars dans ce vieux pays. Alors, concernant maintenant la médiatisation et l'utilisation de l'outil média, et notamment cette émission de Bernard Pivot, alors aujourd'hui, on pourrait peut-être plus le faire parce que avec le développement de toutes les chaînes de télé, tout ça, c'est un peu éparpillé. Là, il y avait trois chaînes, et puis il y avait ce rendez-vous qui était où on pouvait faire l'événement, c'était l'émission de Bernard Pivot, et je crois que c'est Bernard-Henri Lévy qui dit enfin, la philosophie, on peut pas la pratiquer de façon clandestine, c'est bien qu'elle soit comme ça, médiatisée, à la portée de tous. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ? C'est très intéressant parce que effectivement, là, il y a énormément de démagogie dans la réponse de Bernard Henri Lévy. On n'en est pas loin de lui. En fait, il joue sur l'ambiguïté suivante tous, d'ailleurs. C'est-à-dire que ce mouvement, l'essayisme philosophique, l'essayisme tout court, participerait d'un mouvement de démocratisation de l'accès au savoir. Or, c'est faux. C'est ça, justement, qu'il faut dire. Et dans son texte de 79, Castoriadis le dit admirablement. Lui, qu'on ne peut pas anti-totalitaire de la première heure, qu'on ne peut absolument pas soupçonner de mésestimer les crimes du stalinisme, du maoïsme, etc. Il le dit, vous êtes dénoncé avant. Absolument. Eh bien, lui, il dit l'imposture publicitaire, elle est finalement aussi grave et encore plus pernicieuse que le mensonge totalitaire. Il dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu les crimes du goulag, etc., qu'il ne faut pas dénoncer cette nouvelle méthode de contrôle des esprits, qui est l'imposture publicitaire dont il voit dans le mouvement des nouveaux philosophes la réalisation parfaite. Et il dit la chose suivante. Il dit, le fait que les idées, le domaine des idées fasse désormais l'objet d'un trafic, n'a rien à voir avec une démocratisation de l'information. Cela a à voir avec une désinformation, dit-il, uniformément orientée et administrée. Et d'une certaine façon, cette idée est très puissante parce qu'on voit aujourd'hui, à partir de la fin des années 70, comment effectivement l'ensemble des médias et des intellectuels qui ont accès à ces médias, les autres étant se trouvant totalement écartés des radars, vont aller effectivement dans le sens unique d'un discrédit total des politiques réellement progressistes, des politiques réellement socialistes, vont aller vers le discrédit total jeté sur la révolution, vont tracer comme ça une ligne droite entre idées socialistes et goulag, le geste même des nouveaux philosophes. Alors, dans votre ouvrage, vous revenez, je le dis au passage, sur votre licenciement du poste de directrice adjointe de l'Obs, c'est au printemps dernier, 2016, et vous l'inscrivez dans un contexte plus large, historique, d'évolution de la ligne éditoriale de l'hebdo pour lequel vous travaillez, alors que vous appelez de façon très très habile l'obsolète, c'est marrant. Or, c'est l'Obs, pas obsolète, le nouvel Obs, qui avait accompagné le mouvement des nouveaux philosophes. Là, ça pose la question, après des journaux qui doivent être quand même, qui peuvent être le relais de la pensée, du sens critique, peut-être pas plus que la télé et la radio, qui peuvent le faire aussi, mais enfin, c'est quand même l'espace un peu privilégié, l'espace de lecture, l'espace du papier. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Obs ? C'est là où on voit toute l'ambiguïté du rôle du nouvel observateur historique par rapport aux intellectuels. Parce qu'effectivement, c'est un lieu où de grands intellectuels ont pu s'exprimer incontestablement. Bien sûr. De Foucault, Sartre, Lévinas, il n'est pas question de le nier. Ce serait impossible, déjà. Mais il se passe la chose suivante. D'ailleurs, au sujet de l'affaire des nouveaux philosophes, Pierre Vidal-Naquet, historien, lui, là encore incontestable et très engagé, notamment contre la guerre d'Algérie, il est tellement scandalisé à la lecture d'un des ouvrages de Bernard-Henri Lévy, c'est un petit peu après, La barbarie à visage humain, il s'agit du Testament de Dieu, qu'il envoie une lettre, ouvrage qui a été encensé dans le Nouvel Observateur, qu'il envoie une lettre à Jean Daniel, au directeur du journal, pour relever la quantité d'erreurs factuelles, grossières, et de voire de plagiat, de phrases de Saint John Perse, etc., qu'il a relevé dans le livre. Et là, à partir de ce moment-là, l'arroseur va se faire arroser, puisque évidemment, Bernard-Henri Lévy aura un droit de réponse colossal derrière pour pouvoir vraiment le diffamer, le piétiner, le salir, le ridiculiser. Bon. Et effectivement, d'une certaine façon, on peut dire que oui, ce journal a participé à un moment historique de la médiatisation des idées, d'une certaine, oui, d'un certain trucage des balles, hein, d'une certaine falsification des véritables valeurs. Et Bernard-Henri Lévy, qui va entamer à ce moment-là un long règne, hein, dans ce journal, parce que bon, pendant plus de 30 ans, il sera véritablement une autorité, hein, écouté par les directeurs successifs. Conseiller éditorial, Laurent, ce genre-là. Voilà. Oui, occulte. par quelqu'un comme Laurent Geoffrin écrira régulièrement des éloges sans la moindre nuance de cette œuvre. Et le journal ira même, après l'élection, vous voyez, on n'est pas très loin. On est en 2007, après l'élection catastrophique pour le PS de Nicolas Sarkozy. Bernard-Henri Lévy sort un livre sur le Parti socialiste et le Nouvel Observateur en fait sa une complète avec le visage de Bernard-Henri Lévy et cette phrase « le dernier homme de gauche ». Alors, est-ce qu'il était sérieux, est-ce qu'il était raisonnable et responsable en 2007 d'affirmer que Bernard-Henri Lévy rester le dernier homme de gauche sur un tas de décombres fumants? Et Bernard-Henri Lévy, alors, est-ce que c'est ça qui fait que, quand on parle de Bernard-Henri Lévy, vous avez remarqué, c'est toujours passionnel. C'est soit on le déteste, soit on l'admire. C'est rarement entre les deux. Qu'est-ce qu'il exerce? Un magistère? Une puissance? Qu'est-ce qu'il exerce sur cette société française pour qu'il déclenche ses passions comme ça? C'est jamais dans la raison quand on parle de lui, c'est la passion. Pourquoi? Oui, il faut quand même dire qu'il est relativement démonétisé. Aujourd'hui, il n'a plus l'aura qu'il a pu avoir à certains moments. Non, écoutez, je pense que c'est un virtuose de la manipulation médiatique, avant tout. C'est surtout ça. Et il s'est amusé dans ce milieu en pleine capilotade intellectuelle et politique. Il s'est amusé comme dans un parc à jouets pendant 30 ans. Et je crois qu'il s'est bien amusé. Alors, quand même, autour de BHL et de ses, non pas de ses disciples, hein, on va dire de ses collègues de pensée, je ne sais pas comment le dire, ben, au début des années 80, c'est l'épanouissement de l'intellectuel témoin. Pour les nouveaux philosophes, il y a ce côté, être sur place, pour témoigner, hein, pour voir et croire ce qu'on voit, et ça nous renvoie aussi, et notamment à Bernard-Henri Lévy, avec la guerre dans l'ex-Yougoslavie, par exemple, son film, Bosnia, et puis d'autres. C'est un courant, ça, de l'intellectuel qui est un peu reporter, qui va sur le terrain, qui s'engage. Est-ce que c'est... J'y vois, moi, une tentative désespérée de rejoindre l'histoire avec un grand H, quand le sens de l'histoire a fui, en définitive. Ce sont des gens qui viennent tous quand même du gauchisme, même si pour certains, ce fut des épisodes extrêmement courts, hein, comme Bernard-Henri Lévy, et même pas totalement attestés, à vrai dire, mais ce sont quand même des gens qui viennent de ça. Donc il a fallu faire une transition, il a fallu trouver autre chose, d'où cette espèce de chantage finalement sentimental, constant, d'invocation des morts, d'invocation de la douleur constante qui revient dans leur discours. Chantage sentimental, dites-vous. Oui, parce que il y a quelque chose de finalement pas très honnête. Je crois qu'intellectuellement, on peut tous le reconnaître, être ici confortablement et être sans arrêt invoqué pour justifier, pas par une espèce de chantage, oui, d'invoquer. Ça peut être Alep aujourd'hui, c'était la Bosnie hier. Il y a toujours des lieux de malheur. Pour justifier que certains viennent pousser des cris de détresse qui malheureusement ne n'aboutiront à rien dans la plupart des cas, mais qui les confortera dans un rôle finalement confortable et valorisant. Nous en connaissons d'autres exemples aujourd'hui. Bien sûr, et de ce point de vue, nous allons écouter une grande voix, celle de Pierre Bourdieu. Je ne sais pas quel est votre regard sur Pierre Bourdieu, sur cet intellectuel-là. On va l'écouter, c'était en 1988, justement sur la fonction de l'intellectuel d'aujourd'hui, du nouveau philosophe, est-ce qu'elle a fait évoluer la fonction d'intellectuel, dédiée à un domaine, justement. On écoute Pierre Bourdieu. le philosophe dans son incarnation sartrienne, enfin, est une figure prophétique au sens rigoureux du terme, c'est-à-dire qui répond globalement à des problèmes existentiels, vitaux, politiques, etc., etc. Bon, et ça, je pense que c'est pour notre génération, en partie parce que nous étions un peu accablés et fatigués, enfin, de ce rôle total. Pour notre génération, il est inconcevable, enfin, de chausser les bottes, enfin, de Sartre. Bon. Et je pense que pour parodier la formule de Malraux, nous voulons donner la monnaie de l'absolu, c'est-à-dire on ne peut plus répondre à tout. Il faut répondre partiellement à des questions partielles, mais y répondre complètement, enfin aussi complètement que possible dans l'état des instruments de connaissance et cette sorte de redéfinition minimisante, enfin, de l'entreprise intellectuelle, et je crois très importante, parce que c'est un progrès dans le sens d'un plus grand sérieux à la fois scientifique et politique. Et alors là, c'est ce que j'ajouterais peut-être par rapport à Foucault. Moi, j'ai une conception assez militante de la science, ce qui ne veut pas dire engagée du tout. Enfin, je pense que la science sociale, qu'elle le sache ou non, qu'elle le veuille ou non, répond à des questions extrêmement importantes. Enfin, bon, et en tout cas, elle les pose, et elle a le devoir de les poser mieux qu'elle ne se pose dans le monde social ordinaire. Par exemple, mieux qu'elle ne se pose dans le milieu des journalistes, mieux qu'elle ne se pose dans le milieu des essayistes, mieux qu'elle ne se pose dans le milieu de la fausse science. L'anaphore, on dit comme ça, hein, de Pierre Bourdieu, elle est intéressante, non ? Oui, alors, cette humilité par rapport à la figure de l'intellectuel total l'honore, certainement. Je ne suis pas sûre qu'elle soit totalement sincère, puisque d'ailleurs, il a été vu par beaucoup de ses disciples comme une espèce de continuation de la figure du grand intellectuel, justement. Mmh. Donc là, il y a un paradoxe. Mais moi, disons que je ne suis pas sûre que l'échappatoire aujourd'hui à ce sentiment un petit peu de décadence intellectuelle qu'on peut avoir, hein, depuis les années 90, soit le refuge vers l'intellectuel spécifique de Foucault ou l'intellectuel collectif de Bourdieu. Moi, je crois profondément à l'incarnation des idées, au pouvoir du jeu, même au charisme intellectuel d'une certaine façon. Je crois que c'est Léo Ferré qui avait cette phrase, la pensée mise en commun est une pensée commune. C'est-à-dire que on peut aujourd'hui imaginer autrement qu'avec une équipe de recherche s'attaquer à des grands concepts, à des grandes questions. Je pense que peut-être nous vivons une période de basses eaux, mais en conclure que la figure de l'intellectuel face au monde et ayant vraiment un regard personnel très subjectif à délivrer n'est pas morte. Pardon. Mais où va, puisque vous l'abordez dans votre livre, où va la vie intellectuelle française, la vie de la pensée quand nos médias, presque l'essentiel de nos médias, sont aux mains de puissances économiques, financières, de regroupements? Bah, elle se fait pour une large partie en dehors des médias, en dehors des radars, hein, même si, bon, il y a toujours des exceptions, hein, il y a de grands philosophes aujourd'hui dont les livres sont tout de même relayés par les journaux, par, oui. Dieu merci. Heureusement, oui, reste ça, bien sûr. Mais il est certain qu'on ne peut pas s'attendre, dans une presse détenue à 80% par le CAC 40, de voir des pensées réellement dérangeantes, réellement révolutionnaires, tenir le haut du pavé. Ça paraît tout à fait contradictoire. Et ce sera le mot de la fin. Aude Lancelin, je rappelle le titre de votre livre, j'invite les auditeurs à le lire. Ça s'appelle Le Monde Libre. J'aurais voulu vous demander le sens du titre, mais j'ai pas le temps. Pas grave. Le Monde Libre. Lisez le livre. Au lien qui libère. Au revoir, Aude Lancelin. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les nouveaux philosophes, une émission à réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, et rendez-vous comme d'habitude sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons un destin pas tout à fait brisé, mais contrarié, un destin fascinant, celui de la gymnaste Nadia Comăneci.